Les 53 ans de l'intégration du dirigeant Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée ont occasionné des rassemblements au Danemark, en Allemagne, en Tchèque, en Roumanie, au Kyrgyzstan, au Pakistan et en Inde. Des personnalités des milieux politiques et sociaux et des masses des pays hôtes ont pris part au meeting. Les orateurs ont loué les exploits impérissables de Kim Jong-il qui a développé le Parti du Travail de Corée en celui du leader et en organisation révolutionnaire invincible. Dans la réunion tenue au Danemark, a été adoptée une lettre à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.